Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 2e, mission et apparition. Chapitre 6, le Saint-Esprit ne s'est pas incarné comme le Fils. Nous observons aussi que nulle part l'Écriture ne dit que le Père est plus grand que l'Esprit Saint, ni que celui-ci soit inférieur au Père. La raison n'est que l'Esprit Saint ne s'est point uni hypostatiquement aux créatures dont il empruntait la forme pour se rendre visible, comme le Verbe divin s'est uni à la nature humaine, et s'est manifesté en cette nature. Car en Jésus-Christ la divinité était unie à l'humanité d'une manière bien plus excellente que dans les saints qui participent à la sainteté de Dieu. Et si comme homme il surpassait tous les hommes en sagesse, ce n'était point qu'il eût plus abondamment puisé dans la plénitude du Verbe, mais c'était qu'en lui il n'y avait qu'une seule personne, la personne du Verbe. Et, en effet, il est bien différent d'affirmer que le Verbe est dans la chair, ou que le Verbe est chair, c'est-à-dire que le Verbe est dans l'homme, ou que le Verbe est homme. Au reste, ici, le mot « chair » signifie « homme », comme dans ce passage de l'Évangile, le Verbe s'est fait chair. Et encore, toute chair verra également le salut de Dieu. Jean 1, 14, Luc 3, 6. Car, qui oserait dire que ces derniers mots désignent une créature inanimée et irraisonnable? Évidemment, toute chair veut dire tout homme. Il est donc vrai de dire que l'Esprit Saint ne s'est point uni la créature dont il a emprunté la forme pour se manifester, de la même manière que le Fils de Dieu s'est uni la nature humaine, qu'il a prise dans le sein de la Vierge Marie. Car ce divin Esprit n'a point béatifié la colombe, ni le vent, ni le feu, et il ne s'est joint à aucun de ces éléments en unité de personne et par une union éternelle. On serait également dans l'erreur, si l'on affirmait que ces éléments n'étaient point de simples créatures, et que l'Esprit Saint, comme s'il était muable et changeant de sa nature, s'était transformé en colombe, en souffle, ou en feu, ainsi que l'eau se convertit en glace. La vérité est que ces diverses créatures se montrèrent en temps opportun, se réjouissant de servir leur Créateur, et obéissant à l'ordre de celui qui est par essence immuable et éternel. C'est ainsi qu'elles symbolisèrent son opération divine, et qu'elles la manifestèrent aux hommes sous de mystérieux emblèmes. Sans doute, saint Matthieu nous dit que la colombe représentait l'Esprit Saint, et au livre des Actes saint Luc marque expressément qu'à la Pentecôte ce même esprit parut sous la figure de langue de feu. Il parut, dit-il, comme des langues de feu qui se partagèrent, et se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que l'Esprit Saint les faisait parler. Actes des Apôtres 2, 3, 1. Toutefois, il nous est défendu de dire que le Saint-Esprit était tout ensemble Dieu et colombe, Dieu et langue de feu, comme nous disons du Fils qu'il est Dieu et homme, et même qu'il est l'agneau de Dieu. Cette dernière expression se rapporte à cette parole du Saint Précurseur, « Voici l'agneau de Dieu » Jean 1, 29, et à la vision que Saint Jean rapporte dans son Apocalypse, et où il vit Jésus-Christ comme un agneau immolé, Apocalypse 5, 6. Et en effet, dans cette vision, le prophète ne vit point des yeux du corps un agneau matériel et sensible, et il aperçut seulement du regard une forme idéale. Jean-Baptiste, au contraire, et les apôtres virent réellement et de leurs yeux une colombe et des langues de feu. J'avoue néanmoins qu'au sujet de ces langues on peut demander, en interprétant rigoureusement le texte de saint Luc, si les apôtres les virent des yeux du corps, ou du regard de l'esprit. Car l'évangéliste ne dit pas que les apôtres virent comme des langues de feu se partager, mais qu'il parut comme des langues de feu. Or, nous ne disons pas dans le même sens, il parut, et j'ai vu, quand il s'agit de formes corporelles qui se montrent en des visions imaginatives, nous disons également, il parut, et j'ai vu. Et quand il s'agit de corps réels et sensibles qui se présentent devant nos yeux, nous ne disons point ordinairement, il parut, mais j'ai vu. Il est donc permis de demander au sujet de ce feu, de quelle manière il a été vu. Les apôtres le virent-ils par le regard intérieur de l'âme, ou des yeux du corps? Je n'ose le décider. Mais pour ce qui est de la colombe, comme l'Évangile dit qu'elle parut sous une forme sensible et corporelle, on ne peut douter qu'elle n'ait été vue des yeux du corps. Observons encore qu'il serait inexact de dire que le Saint-Esprit était colombe, ou feu, dans le même sens que nous nommons Jésus-Christ la pierre, selon cette parole de l'apôtre. Or, cette pierre était le Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Car cette pierre existait précédemment, et parce que son action symbolisait le Christ, elle en reçut le nom. Il en est de même de la pierre que prit Jacob, sur laquelle il s'endormit, et qu'il oignit ensuite d'huile pour la consacrer au Seigneur. Enfin, Isaac lui-même était la figure de Jésus-Christ lorsqu'il portait le bois du sacrifice. Genèse 28, 6, 22, 6. Ici la pierre et le bois existaient antérieurement, et ils ne symbolisèrent Jésus-Christ que par une action extérieure et interprétative. La colombe, au contraire, et le feu furent instantanément créés pour exprimer l'opération du Saint-Esprit. C'est pourquoi je les comparerai volontiers au buisson ardent que vit Moïse, à la colonne de feu qui guidait les Israélites dans le désert, et aux éclats de la foudre qui ébranlait le Sinaï, lorsque Dieu y promulgua sa loi. Exode 3, 2, 13, 21, 22, 19, 16. Et en effet, il y avait là une forme sensible et passagère qui annonçait la présence du Seigneur. Chapitre 7. Apparition divine. C'est donc par rapport à ces formes corporelles que nous disons que le Saint-Esprit a été envoyé, car elles n'existèrent que pour symboliser son opération secrète, et pour la rendre temporellement sensible au regard des hommes. Toutefois, nous n'affirmons point que le Saint-Esprit soit inférieur au Père, ainsi que nous le disons du Fils, en tant qu'il est homme. C'est que le Fils est uni la nature humaine en unité de personne, tandis que ces formes ne furent créées que pour signifier l'opération du Saint-Esprit, et qu'elles cessèrent ensuite d'exister. Mais pourquoi ne disons-nous pas que le Père a été envoyé, quoiqu'il se soit montré sous ces figures sensibles et corporelles, telles que le buisson ardent, la colonne de feu et de nuée, et les éclats du tonnerre, quoiqu'il ait alors parlé à nos pères, ainsi que l'Écriture nous l'atteste. Et en effet, Dieu le Père se révélait au regard des hommes par ses formes corporelles et sensibles. Si, au contraire, c'était le Fils qui se manifestait ainsi, pourquoi n'est-il dit envoyé par le Père que bien des siècles plus tard, et seulement lorsqu'il a été formé d'une femme? Quand la plénitude des temps fut arrivée, dit l'apôtre, Dieu envoya son Fils formé d'une femme. Galates 4, 4. Or, ce même Fils n'avait pas été précédemment envoyé, quand il parlait à nos pères sous ses formes mobiles et passagères. D'ailleurs, en admettant que l'on ne puisse véritablement dire du Fils qu'il a été envoyé, si l'on ne se reporte au mystère de l'incarnation, pourquoi le disons-nous du Saint-Esprit, qui jamais ne s'est uni à aucune créature? Enfin, voulez-vous ne plus reconnaître en ces figures dont nous parlent la loi et les prophètes, ni le Père, ni le Fils, mais le Saint-Esprit? Je vous demanderai encore pourquoi ce n'est que dans l'Évangile que cet Esprit est dit envoyé, quoiqu'il soit évident qu'il l'ait été longtemps auparavant, et de diverses manières? Ces questions sont difficiles et perplexes, et avant d'en aborder la solution, je dois rechercher si sous ces formes corporelles et sensibles les trois personnes divines se manifestaient séparément, en sorte que, tantôt ce fut le Père, tantôt le Fils, ou le Saint-Esprit, ou bien si c'était la Trinité entière sans distinction de personne, et comme n'étant qu'un seul et unique Dieu. En second lieu, quel que soit le résultat de mes recherches, je demanderai encore si Dieu créa réellement alors la créature dont il se servit pour se montrer aux yeux des hommes, ou si les anges qui existaient déjà, et qui étaient envoyés pour parler au nom de Dieu, revêtaient selon les besoins de leur ministère la forme d'une créature corporelle et sensible. Peut-être aussi, comme ils ne sont point soumis à leur corps, mais qu'ils le régissent à leur gré, ont-ils pu, en vertu de la puissance que le Seigneur leur a donnée, transformer ce corps en la forme qu'ils jugeaient la plus convenable à leur mission? Enfin, j'examinerai, et c'est là le point culminant de la question, si le Fils et l'Esprit Saint ont été envoyés avant l'époque qui est marquée dans l'Évangile, et s'ils l'ont été, quelle différence existe entre cette mission première et celle que les évangélistes nous racontent? Ou bien faut-il dire que le Fils n'a été envoyé qu'au moment où il s'incarna dans le sein de la Vierge Marie, et qu'également l'Esprit Saint n'a été envoyé qu'au jour où il se montra visiblement sous la forme d'une colombe ou de langue de feu? Chapitre 8. Toute la Trinité également invisible. Mais d'abord je laisse de côté ceux qui, ne s'inspirant que de la chair, disent que le Fils unique de Dieu, qui est son Verbe et sa sagesse, et qui, toujours immuable en lui-même, renouvelle sans cesse toute chose, a été non seulement soumis au changement, mais encore qu'il s'est rendu visible à nos yeux. Leur erreur vient de ce qu'ils appliquent à l'étude de la religion un esprit plus rempli de pensées basses et terrestres que de sentiments religieux. Et, en effet, considérons notre âme. Elle est une substance spirituelle, et elle n'a pu recevoir l'être que de celui par qui toutes choses ont été faites et sans lequel rien n'a été fait. Eh bien, je dis que cette âme, quoique sujette au changement, n'est point visible. Pourquoi donc mes adversaires le croient-ils du Verbe, qui est la sagesse même de Dieu et qui a créé notre âme? D'ailleurs, cette sagesse divine n'est pas seulement invisible comme l'est notre âme, mais de plus elle est immuable, ce que notre âme ne saurait jamais être. C'est cet attribut que proclame l'Écriture quand elle dit, en parlant de la sagesse divine, qu'immuable en soi, elle renouvelle toute chose. Sagesse 7, 27. Il est vrai que pour étayer cette erreur sur le témoignage des saintes Écritures, on cite deux passages de l'apôtre. Mais on les prend dans un sens faux, puisqu'on applique à Dieu le Père, et non au Fils et au Saint-Esprit, ce que l'apôtre dit de la Trinité entière. Au reste, voici ces deux passages. Au roi des siècles, au Dieu qui est l'immortel, l'invisible, l'unique, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Celui qui est souverainement heureux, le seul puissant, le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. 1 Timothée 1, 17, 6, 15, 16. Et maintenant, pour ce qui est du véritable sens de ces passages, je crois en avoir déjà suffisamment donné l'explication. Chapitre 9, Objection, Réponse. Je reviens donc à ceux qui veulent les entendre séparément de Dieu le Père, et se refusent à les appliquer au Fils et au Saint-Esprit. Ils affirment, en conséquence, que le Fils s'est rendu visible bien des siècles avant son incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Car, disent-ils, il a apparu au patriarche. Mais, leur répondrai-je, si le Fils est visible de sa nature, il est également mortel de sa nature, puisque, selon vous, c'est uniquement au Père que se rapporte cette parole, qui seul possède l'immortalité. Si, au contraire, le Fils n'est mortel que parce qu'il a pris la nature humaine, souffrez aussi qu'il n'était visible qu'en cette nature. Point du tout, réplique-t-il. De même que le Fils était visible avant l'incarnation, il était également mortel avant l'incarnation. Cette dernière assertion vous étonne, mais si mes adversaires reconnaissaient que le Fils n'est devenu mortel qu'en se faisant homme, ils seraient forcés d'avouer qu'il est immortel comme le Père, car étant son Verbe, et celui par qui tout a été fait, il possède essentiellement l'immortalité. De plus, il ne saurait dire qu'en prenant une chair mortelle, le Fils a perdu ses droits à l'immortalité, puisque notre âme elle-même n'est point soumise à la loi de mort qui frappe le corps. Car Jésus-Christ nous a dit, « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. » Matthieu 10, 28. Quant à la personne de l'Esprit Saint, elle est encore pour eux un sujet de nouvelle perplexité. Et, en effet, supposons que le Fils soit mortel parce qu'il a pris une nature mortelle, comment peuvent-ils dire que le Père seul, à l'exclusion du Fils et du Saint-Esprit, possède l'immortalité, puisque le Saint-Esprit, qui ne s'est point incarné, serait également mortel? Il faut donc en conclure que si le Fils est mortel, ce n'est point uniquement parce qu'il s'est fait homme. D'un autre côté, si l'Esprit Saint est immortel, ce n'est donc plus seulement du Père qu'il a été dit, que Dieu seul possède l'immortalité. Pour se tirer d'embarras, mes adversaires affirment qu'avant le mystère de l'incarnation le Fils était de lui-même mortel, parce que, disent-ils, tout changement notable peut être appelé une mort. Ainsi nous disons que notre âme meurt, non certes en ce sens qu'elle se transforme en notre corps, ou en toute autre substance matérielle, mais en ce sens que restant immuablement ce qu'elle est, elle passe d'un état à un autre, et cesse d'être affectée aujourd'hui comme elle l'était hier. Or, ce sont ces variations d'état et d'affection qu'on nomme la mort de l'âme. Avant donc, poursuivent-ils, que le Fils de Dieu fût né de la Vierge Marie, il a apparu au patriarche, non une seule fois et sous une seule forme, mais plusieurs fois et sous plusieurs formes. C'est pourquoi il est visible de sa nature, puisqu'antérieurement au mystère de l'incarnation, il s'est rendu sensible au regard de l'homme, et il est également mortel, parce qu'il a subi divers changements. On doit aussi appliquer ce raisonnement à l'Esprit Saint, qui s'est montré tantôt sous la forme d'une colombe, et tantôt sous celle de langue de feu. Ainsi, concluent mes adversaires, ce n'est point la Trinité entière, mais uniquement et tout spécialement au Père que conviennent ces paroles de l'apôtre, à Dieu seul, l'immortel et l'invisible, honneur et gloire. Lui seul possède l'immortalité et habite une lumière inaccessible. Nul homme ne l'a vu et ne peut le voir. 1 Timothée 1, 17, 6, 15, 16. Mais, je le répète, je laisse de côté ces adversaires qui ne sont pas même capables de comprendre que notre âme est une substance spirituelle et invisible. Combien sont-ils donc plus incapables encore de pénétrer les mystères de l'essence divine? Entendront-ils jamais comment les trois personnes de l'Auguste Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne sont qu'un seul Dieu, vrai, invisible, immuable? Comment la réunion de ces attributs les établit dans une véritable et parfaite immortalité? Pour moi, je crois que nul homme n'a contemplé de ses yeux l'essence divine, et par conséquent qu'il n'a pu voir ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit Saint, si ce n'est par l'intermédiaire d'une créature sensible et corporelle. Mais lorsqu'antérieurement à l'incarnation du Verbe, le Seigneur a daigné apparaître à nos pères, est-ce la Trinité entière qui s'est manifestée, ou seulement une des trois personnes divines, en sorte que chacune d'elles se soit montrée successivement? Telle est la question que je me propose d'étudier avec la paix de l'Église catholique et en esprit de paix. Si je me trompe, j'accepte d'avance toutes les observations que mes frères m'adresseront par amour de la vérité, et même toutes les critiques de mes adversaires, quelque mordantes qu'elles puissent être, pourvu qu'elles soient fondées et sincères. Markemdanarchive.org, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.